tu vois comment le monde d'insolence. J'étais petit, moi, je me rappelle plus mortel, mais non. Sur ma tête, vu qu'ils ont des sauts, c'est devenu ça à Evo. Dans ma folie, je peux te l'avouer, je serais guère, je serais facho. T'es pas comment on fout le spul. On s'a coupé au pays sur une chaise roulante. Ils kiffent pas les Libanais. Dis qu'il y a que qui savent générer du lourd dollar. Bloque ton objectivité, t'es cuit. Les hostilités, elles vont baiser ta race, tu verras du feu. Elles sont violentes les vidéos sur internet, mais elles sont là pour te rappeler que la vie est précieuse, t'as vu. Dans les compiles, ils veulent des stars. Vouloir craquer, c'est humain, j'suis pas leur sauce. Ils sont pas obligés de m'aider. Je fais pas la guerre aux ML. Ça laisse plus de salopes de disponibles vu de mon troisième œil. On peut pas tous être d'accord sur les mêmes thèmes. L'autosuffisance, c'est pour les bouffons assez souples pour se bouffer la teub. J'serais le fils à Mitterrand, j'l'aurais fait. Avec ces négros, c'est lucratif le trafic d'armes à feu. Faut j'aime n'aller quand même pas perdre ses associés pour un Carlos écrit qui a voulu jouer le mariole. T'es fou? Ma petite nièce y croit dur comme fer. Si j'pose avec Pokora, j'vais percer, que j'vais tout niquer direct. Je lui ai dit, t'es ouf. Autant poser mon boule sur une plaque chauffante, c'est suicidaire de ouf. C'est pour dire que tout est relatif, grave, tout dépend. Quelle langue on se place pour J-Car? J'ai pas de cousin décédé dans le World Trade Center, moi. Ouvre bien tes oreilles, pas de Cléon à Ramallah, ni de Sarah Tel Aviv. Des trois côtés, ils ont le seum, c'est légitime, c'est la vie. Ils sont pas les couilles, Rudy. Sartex, si t'es victime d'insultes raciales et que tu vois un messie en Malek Pucci. Les négresses, elles sont dangerous, elle va te pigeonner. Tu vas jamais voir un poil de sa chatte. Le club appartient au bonhomme bâtard. Arrache tes couilles, pose-les sur la table. Nique sa mère la France. Chez moi, je piquerai des cacahuètes en panique qu'un officier me dépouille ma recette. Que les colons embrassent mon cul, mais mes ancêtres n'avaient qu'à pas se laisser mettre à l'amende. Un point, c'est tout. Henri Hill dans les affranchis à balance pour sauver sa femme et ses gosses. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Je suis un Renoir pépère un peu aigri. J'essaie d'être objectif à 360 degrés. Dans le Bronx plus ouf de leur Tchekar, peux pas taper une descente seule tout aux trois queuses. Il va finir dans une cave. Pas de calcal, c'est qu'une victime d'un monde bizarre. CRS va jouer, c'est à toi de l'esquiver. Véronique, je laisse mon sac. Je suis l'escroc, je rappe misto. Allez, tu te fais enculer. Let's go. Simone Veil, le quartier du 13. Eh bat, la 509 photo, on met ça dans toute la France.